Je vis dans le crâne, ça c'est mon style. Les trucs lisses me filent des boutons. Je préfère l'odeur du vieux poisson. Du sale, du sale, du dégueulasse, du dégueulasse. Juré, craché, c'est pas une menace. Une menace, je l'avoue sans phare, sans phare. Ni volte-face, face. La vraie vie, putain, fais pas la grimace, grimace. La merde sous les ongles, ça c'est sexy. Je déteste l'ordre, les choses bien nettes. La boue, la sueur, oui c'est ma quête. Ah, je veux du sale, du dégueulasse, du dégueulasse. Juré, craché. C'est pas une menace, une menace. J'avoue sans phare, sans phare. Ni volte-face, face. La vraie vie, putain, fais pas la grimace, grimace. Vie. Putain, c'est pas la grille. c'est pas.